divers milieux sud-coréens, notamment la Solidarité pour le Progrès et le maire de Songnam de la province de Gyeonggi, critiquent vertement la mesure lâche du ministère des Affaires étrangères qui, sous la pression des réactionnaires japonais, réclame de transférer ailleurs les statuts de la fillette esclave de l'armée nippone installée devant l'ambassade japonaise et le consulat général japonais en Corée du Sud.